je m'appelle Lita. Le ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lita. Quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai la à fou rire aussi, fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de vie, l'eau amour. Collégienne au bas, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita. Coléreuse et pas, mi-coton, mi-laine. Oh, tu sais, bouge qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita. L'eau de vie, l'eau, amour. C'est pas ma faute.